poche de magazine. Rien ne te semble assez beau. Tu calques ton corps sur des photos de filles qu'on voit dans les pubs et dans les vidéos show. Tu as toujours bonne mine, gavé du V et de vitamine. Un coup d'œil dans ton rétro, tu vois que la vie ne fait pas de cadeau. Tu dis des photos de filles qu'on voit dans le